salutations à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette lecture afin de m'attaquer à un sujet très fragile, à savoir est-ce qu'on peut croire à des théories ésotériques et même adhérer à des pratiques magiques tout en étant rationnel. Pour beaucoup de personnes, y compris pour les initiés, cela n'est pas possible. Alors qu'une des bases de l'initiation universelle est de concevoir que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Moi, je pense effectivement qu'il y a des nuances à faire. Je vais premier m'attaquer, plutôt poser une question brûlante. Est-ce que c'est Dieu ou un Dieu qui aurait créé l'univers et les hommes, ou est-ce que ce sont les hommes qui ont créé des dieux pour répondre à des questions auxquelles ils ne trouveraient pas de réponse? Moi, j'opte pour la deuxième option. Par exemple, il y a très longtemps, dans les débuts de, dans les premiers âges, eh bien, la foudre qui tombait était considérée comme une manifestation divine. Quand l'homme a découvert le feu, il a cru découvrir quelque chose de divin. Et donc, tout ça, ce sont devenues des croyances qui fonctionnent au fait que les pensées sont vivantes. Quand vous émettez une pensée, donc émettre une pensée, ce n'est pas seulement y penser mentalement, c'est là, c'est l'exprimer, soit par écrit, soit de manière orale, mais la manière orale reste la manière la plus sûre et la plus puissante en la matière. Eh bien, votre pensée dépasse le monde de la matière et rentre dans ce qu'on appelle le monde spirituel. Et donc voilà. Et si on est passé, à un moment donné, l'humanité était sous l'égide du polythéisme, eh bien c'est tout simplement parce que des groupes de personnes ont envoyé des idées, des pensées vivantes, de croyances envers des divinités. Et c'est comme cela que les choses ont pu fonctionner, et c'est par ces forces-là que les règnes polythéistes ont pu prospérer pendant longtemps. Il y en a encore qui survivent aujourd'hui, mais c'est de manière très très marginale, sauf dans l'hindouisme, où ils ont une kyrielle de divinités. Enfin, c'est un peu spécial. Et même les gourous de sectes souvent dangereux sont en fait des personnes qui sont très au courant du caractère vivant des pensées, et ils se chargent de ces dernières afin d'implanter chez leur adhérent des certitudes en fait qui n'ont aucun fondement. Et comme les adeptes, eux, envoient de fortes pensées vivantes, de croyances envers leur gourou, eh bien cela crée des sphères d'énergie vraiment très très dures à dissoudre. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, en 2024, il existe toujours une survivance de l'ordre du temple solaire. On n'en parle pas beaucoup, mais elle existe. J'ai entendu le nom qu'on lui donnait, mais je ne le répéterai pas parce que je ne suis pas sûr, en fait. On pointe une association comme étant une survivance de l'ordre temple solaire. On est certain qu'il y en a une, mais je ne sais pas si c'est vraiment le nom qu'on m'a donné de cette de cette association. Donc je ne vais pas prendre le risque de salir des gens qui ne font rien de répréhensible. Il faut savoir aussi au Japon, avec le scandale de la secte Aum Shinrikyo, il existe toujours une association, une petite survivance qui s'appelle Alpha. C'est que dire dommage parce que ça apporte la confusion, notamment avec l'association Alpha International, qui est une excellente école de parapsychologie. Et qui se sert d'ailleurs de, c'est très intéressant, qui se sert de la parapsychologie pour expliquer les bases de l'ésotérisme et enfin proposer l'initiation, éventuellement proposer l'initiation à la franc-maçonnerie dite égyptienne. Enfin, je reviendrai là-dessus sur notre lecture, qu'est-ce que la maçonnerie, franc-maçonnerie égyptienne, enfin soit. Et donc, tout fonctionne comme ça. Même les gourous au niveau politique, vous prenez la Corée du Nord par exemple, eh bien, même si elle se veut un régime, même si le régime se veut matérialiste et communiste, son leader, je n'arrive jamais à prononcer le nom, Kim Jong-un, excusez-moi si ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est très bien ce qu'il fait. Quand Kadhafi a été assassiné, on a retrouvé chez lui un tas de livres sur l'occultisme et la magie, parce que ces choses-là marchent. Et ces choses-là peuvent asservir le peuple si elles sont utilisées de manière négative. Et moi, je vais aller plus loin en disant que toute utilisation de ces techniques pour imposer un régime totalitaire avec des croyances qui ne peuvent pas être mises en doute, pour moi, c'est négatif. Pour moi, ces pouvoirs-là ne doivent jamais servir à conquérir. Par contre, au niveau de la magie, vous devez comprendre par là que vos pensées sont vivantes. Je le répète, chaque fois que vous émettez une pensée, une intention, celle-ci prend forme dans les mondes invisibles, qui sont nombreux et qui en plus ont des subdivisions, etc. Mais ça, je reviendrai dans une autre lecture. Et donc, moi, je connais des personnes enfin, premier, peut-être parler de techniques pour la pensée, déjà dans bon nombre d'ordres magiques, on commence par la visualisation. C'est-à-dire qu'on va vous demander de visualiser des formes géométriques, puis on va vous demander imaginer telle couleur ou de telle couleur, puis on va passer au polygone, etc. Et ensuite, il va y avoir des exercices, par exemple comme l'éveil des chakras. Alors on croit toujours que ouvrir ses chakras, c'est le kiff, c'est quelque chose de plaisant, absolument pas. J'ai réalisé ces exercices, ils sont très éprouvants, ils sont parfois douloureux, mais une fois que vous avez ouvert tous vos chakras, ben effectivement votre puissance magique est décuplée. C'est-à-dire ce que vous allez décider a beaucoup plus de chances de se réaliser en fait. Donc ça, il faut quand même le savoir. Moi, je connais des personnes qui sont arrivées à un niveau d'initiation où quasi tout ce qu'elles décrètent se passe, quoi. Donc ce sont des choses qui sont tout à fait réelles. Maintenant, il faut être conscient que si les pensées existent et qu'elles sont vivantes, on peut essayer aussi, comme j'ai dit un peu plus tôt, de vous imposer des pensées. Mais pour ça, par la méditation, enfin il existe diverses formes, hein, Mais par la méditation, vous allez vous rendre compte que vous allez voir, enfin, vous n'allez pas voir des pensées, on ne sait pas voir une pensée, mais en tout cas, vous allez sentir que les pensées s'approchent de vous. Voilà, vous allez être un peu, vous mettre, votre corps et votre mental vont se mettre tous les deux un peu en mode protecteur. Et donc, vous allez échapper à bon nombre de personnes qui vous veulent du mal ou qui veulent profiter de vous. Une autre chose qui doit être comprise aussi, c'est que pour pratiquer tout ça, il faut avoir l'âge. C'est quand même la magie, moi telle que je l'ai étudiée, et je pense telle qu'elle devrait être toujours étudiée, c'est au moins 2 ans ou 3 ans, rien que des études théoriques, pour pouvoir passer ensuite à des rituels. Tellement ce sont des mécanismes complexes et il faut comprendre comment ils fonctionnent. Hein. Je le répète, la magie, c'est pas comme dans les films où on tombe sur un vieux grimoire, hop, on lit une page et hop, ça y est, c'est parti. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Ce serait trop beau si ça fonctionnait comme ça. Et il est bon de rentrer là-dedans une fois que vous êtes installé solidement dans votre vie d'adulte, que vous savez ce que vous voulez faire de votre vie, etc. D'ailleurs, on remarque que chez les personnes qui sont entrées là-dedans beaucoup trop jeunes, ben, ce sont des personnes qui sont un petit peu perdues à l'âge adulte et qui sont incapables de prendre une décision sans consulter leur tarot ou oracle du même type. Il en existe plusieurs. D'ailleurs, cette histoire, oui, il faut quand même préciser que les oracles, que ce soit le tarot ou d'autres, hein, par exemple, moi, mon oracle préféré, c'est le petit jeu de Mademoiselle Lenormand, qui chez moi fonctionne de manière vraiment terrible. Je l'utilise souvent, j'utilise de grands résultats. Les oracles servent non pas à dire l'avenir, mais à vous donner des informations sur la manière dont vous vous sentez. C'est-à-dire que les oracles permettent d'atteindre votre subconscient et vous permettent d'adapter ce dernier en fonction des décisions que vous devez prendre. Maintenant, moi, je ne vous cache pas que c'est très rare que j'utilise un oracle pour prendre une décision. J'ai 47 ans à l'âge où j'enregistre la présente lecture. Ben, je suis assez grand pour prendre mes décisions. J'ai peut-être demandé conseil à des copains, des potes ou à des membres de ma famille, mais je ne veux pas, chaque fois que je dois prendre une décision, tirer les cartes. Non, c'est pas possible. Alors maintenant, il faut venir à la notion d'égrégore. Ça, je vais un petit peu revenir sur mon appartenance à la franc-maçonnerie. Il y a deux courants très clairs dans la franc-maçonnerie. Il y a un mouvement où les loges se consacrent uniquement à l'ésotérisme maçonnique, qui encore une fois, est un ésotérisme pondéré. Donc, on va s'intéresser aux symboles, aux significations, etc., ce qu'ils veulent dire. Et puis, il y a une franc-maçonnerie dite libérale, à laquelle j'appartiens, où les loges, même si on étudie un petit peu les symboles, etc., ben moi je trouve qu'on devrait les étudier un peu plus, on va surtout s'intéresser à des problèmes de société. Alors quand parfois nous arrivons comment nous faire entendre de la part des autorités, ben c'est super, mais en attendant, nous formons des groupes de pensée qui font que nous allons agir en dehors du temple dans le but que ces idées se réalisent et se propagent. C'est ce qu'on appelle en franc-maçonnerie rayonner. Un franc-maçon doit rayonner en dehors du temple. Alors aussi pour les notions d'égrégore, même les francs-maçons les plus rationalistes ne nient pas l'existence de l'égrégore. C'est-à-dire que pendant une réunion maçonnique, eh ben, grâce aux rituels au pluriel qui ont lieu, se développe une pensée collective qui vaut plus que la somme de tous les membres présents. Il est considéré en franc-maçonnerie que l'égrégore ne dure que le temps d'une tenue. Je rappelle que tenue est le nom qu'on leur donne à une réunion maçonnique. Et puis il y a des gens dont je fais partie qui pensent que l'égrégore est vivant et ne disparaît pas si facilement. Par exemple, je vais revenir sur les oracles. Eh bien, par exemple, il y a un oracle, les runes. Bon, j'ai quand même étudié les runes parce que j'estimais que je devais avoir ça dans mon cursus. Mais moi, quand je manipule des runes, je me sens physiquement et mentalement dérangé, pas bien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le nazisme avait des racines occultes et les runes ont été détournées et salies par les ésotéristes, je ne sais pas si le mot est correct, qui ont fomenté une partie des idées du nazisme. Et les runes n'ont jamais été purifiées par rapport à cela. Donc je me sens pas bien avec les runes. Et d'ailleurs, certaines runes, dont la rune Odal, qui est la rune de l'héritage, est encore employée par l'extrême droite, notamment par le Vlaams Belang, enfin, en tout cas par des partisans du Vlaams Belang en Belgique. Il y a aussi des endroits où dès que je rentre, je me sens pas bien. Par exemple, je connais une loge maçonnique où je suis déjà allé trois fois. Et bien, c'est une loge, dès que les travaux commencent, bam, j'ai l'impression qu'il y a une chape de plomb qui tombe sur cette loge. Et je me sens vraiment mal à l'aise. Et puis, c'est avéré que j'ai découvert qu'il y avait d'énormes problèmes au sein de cette loge. Donc voilà, je ne m'étais pas trompé et j'ai compris d'où venait mon malaise. Qu'est-ce que j'ai encore comme exemple? Oui, à propos de franc-maçonnerie, ça j'y reviendrai dans ma lecture sur mon expérience avec la franc-maçonnerie. J'ai été invité à entrer dans une à rejoindre une loge. Donc quand je suis allé visiter le vénérable maître, donc le président de la loge, m'avait invité chez lui, tout simplement parce que sa loge était tellement petite en termes de membres qu'il avait pu installer c'était très bien fait, un petit temple chez lui. Je me sentais pas bien du tout, je me sentais vraiment mal, quoi. J'ai appris par la suite que c'était un lieu qui était fréquenté par certaines personnes d'extrême droite. Là encore, je me suis pas trompé. Donc pour moi, il est tout à fait possible d'être rationaliste et en même temps adhérer à des théories ou expériences ésotériques. Qu'est-ce que je peux encore en dire? Oui, par rapport aux anges et aux démons. Est-ce que les démons existent? Oui, bien sûr, moi je pense que les démons existent parce que on a cru en eux. Ils ont été fabriqués toutes pièces, mais on a cru en eux. Donc ils sont aujourd'hui, pour la plupart, très puissants. Je vais donner un exemple. J'ai un dictionnaire de démonologie du Moyen Âge, enfin un fac-similé, parce que si j'avais l'original, je serais très riche, où vous avez deux Tout simplement pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, on croyait que le fait d'éternuer était l'action d'un démon et que en éternuant, c'était une petite partie de votre âme qui vous quittait. Tandis que le bâillement, moi j'ai toujours cru qu'on mettait la main devant la bouche pour des raisons de politesse. Mais en fait, non. C'est par superstition pour qu'un ange n'entre pas par votre bouche tant que vous dans votre bouche tant que vous bâillez. Mais bien, les choses ont évolué bien rapidement et plus personne n'a cru à ces deux démons, donc éternuement et bâillement. Et hop, ils ont complètement disparu. Et je crois que plus personne aujourd'hui ne les incarne, le croit en eux, pardon. Et avec les anges, je pense que c'est la même chose. Je pense que ce sont des formes pensées qui ont été créées par l'homme et dans lequel l'homme a mis ses aspirations de pureté et de tout ce qu'il pouvait avoir de beau dans ce monde. Mais heureusement, certains disent qu'il y a plus de démons que d'anges et que les démons sont très actifs dans notre monde. Je dis, ben non, moi je pense que ce sont les anges qui sont toujours là et que toute personne normalement constituée va chercher tant le bonheur pour elle que son entourage et non pas se servir d'un démon qui ne la conduira que vers des buts égoïstes et en fait vers l'isolement. Voilà, c'est ce que je pense vraiment. Et puis il y a aussi, mais là aussi ça demandera une vidéo séparée, une lecture, pardon, excusez-moi, je ne fais pas des vidéos, séparée sur la magie du chaos. Qui a la forme de magie la plus récente qui soit, où vous invoquez qui vous voulez en produisant vos propres symboles, vos propres formules, ou en invoquant des personnages de dessins animés, en détournant des logos publicitaires, eh bien cette forme de magie est très puissante. Parce qu'elle est vraiment axée sur le fait de rendre votre pensée vivante. Et j'ai déjà obtenu avec la magie du chaos des résultats vraiment incroyables. Donc voilà, maintenant je vais conclure en disant que non, la magie, oui, la magie est une croyance, c'est clair, donc une croyance par définition ne sait pas la définir scientifiquement. Mais qu'on peut très bien avoir un pied à chaque étrier. Moi, je m'estime être quelqu'un de rationaliste qui fera toujours passer tout ce qui est humain, donc l'être humain en premier, et l'ésotérisme et les croyances en deuxième. Donc voilà, je m'estime être rationaliste, mais j'ai vécu sur beaucoup d'années. Des expériences qui m'ont complètement convaincu que mes pensées étaient vivantes et qu'elles avaient un impact dans les mondes spirituels. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis à votre disposition. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Quand quelqu'un était nué,